Une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Black M. Allez, on commence en avance normale. Vous êtes nombreux à nous demander le retour depuis ce matin. Je n'arrête pas de voir des messages. Depuis ce matin, Black M, il arrive quand? Vite. C'est l'effet Black. Vivement qu'il soit 20h. Donc c'est pour ça, on commence un petit peu en avance, même bien en avance ce soir. Bien en avance. Dites-le autour de vous, balancez sur les réseaux sociaux. Coup d'envoi de ce Planète Rap spécial Black M. Comment ça va? Ça va très très très bien ce soir. En pleine forme? En pleine forme. Heureux? Heureux. On bah est ouais, à J-6. 6, ouais, J-6. 6 jours avant la sortie de cet album, Les Yeux Plus Gros Que Le Monde. Hier, on a découvert des très jolis morceaux, notamment le Sur Ma Route. Sur Ma Route, ouais. Morceau qui est dispo, je dis ça pour ceux qui achètent là maintenant, qui précommandent l'album. Voilà, c'est toujours ça. Tous ceux qui précommandent, ils reçoivent le morceau qu'on fait écouter chaque jour et voilà. Ils le reçoivent directement sur leur iTunes. Donc il y en a un chaque jour, si je comprends bien. Donc d'ici lundi, d'ici la sortie, vous en aurez 6 en plus. Ouais. C'est pas mal ça. Enfin, ouais. Avant la suite qui arrive. Avant la suite, ouais. Exactement. Bien, parce que quand je vois qu'il y a un bon cadeau. 19 morceaux. Un album généreux. Vous allez vous mettre bien pour ce week-end. Allez-y, précommandez l'album de Précommandez Black. Et sinon, ceux qui aiment bien l'objet, le physique, et aussi lundi hein, dans les bacs. Mm. Toi, t'es quoi? T'es plutôt quelle école? Téléchargement? T'es plutôt avoir l'objet dans les mains? Je suis téléchargement, je vais pas te mentir. Ouais. Je télécharge, j'ai le téléphone, iTunes. Bon, celui-ci, tu vas l'acheter, c'est le tien. Bah, c'est sûr. Je vais aller le péter. Tu vas aller le péter celui-ci. Yes. Il sort lundi 31 mars. Que va-t-il se passer ce soir, Black M, dans l'émission? Ce soir, déjà on va écouter une exclue. Mmh. Une exclue, ça va être le morceau, je le dis, ça va être la légende Black avec Dr. Berries. Qui était là hier soir, il va pas tarder. Je regarde dans le studio, je ne le vois pas pour l'instant, mais il va pas tarder. Et ce morceau, il a tellement des bons retours que je pense qu'on va faire le live à la fin de l'émission. Très bien. Ouais, je pense qu'on va faire le live. Et je suis avec mon gars Masca ce soir. Ça va, Masca? Ouais, ça va, la forme. En pleine forme? Yes. Et toi aussi, je crois que tu es venu avec des cadeaux ce soir. Il y a que des cadeaux. Que des cadeaux ce soir. Ouais, ouais, je vais faire écouter le premier single d'Espace-Temps. Mmh. Qui sortira pas le 12 mai. Donc ça, je dois l'annoncer. Mais en contrepartie, je vais vous donner le clip. Donc déjà de faire écouter un premier extrait et le clip donc de Prie pour moi. Le morceau s'appelle Prie pour moi. C'est un featuring avec Maître Gims qui va arriver dans 15 jours. Donc on va vous faire attendre. Il y a ça et puis un autre clip qui va venir derrière. Vous aurez de quoi attendre tranquillement la sortie d'Espace-Temps qui ne sortira pas le 12 mai. J'en suis désolé, mais c'est comme ça. J'ai préféré avoir un peu plus de temps. Bah ça arrive aussi. De toute façon, le disque, on sait très bien, tout bouge. Ça arrive. C'est vrai qu'il y a des dates qui sont annoncées parfois, mais bon. Ouais. Écoute, l'important c'est rien, c'est reculer pour mieux sauter. Exactement. Exactement. Donc ce ne sera pas le 12 mai pour la sortie d'Espace-Temps, mais ça arrivera courant de l'année 2014. Exactement. Et ce soir, donc, exclu total. Exclu. Un long bout. Un moyen où je vais essayer de gratter comme toi à chaque fois. Comment, tu fais comme moi, c'est un tout petit bout ou c'est le son en entier? Non, c'est un gros bout. C'est un petit bout. C'est un gros bout. Ah, bah voilà, t'as bien raison. On s'inspire des plus grands. On s'inspire des plus grands. On fait comme Black M. Arrête, gros. Voilà, exactement. Bon, Masca, je sais pas si tu as pu écouter l'émission hier soir. Ouais, bien sûr, j'ai écouté. Il a cliqué sale. Et bah, pour ceux qui étaient pas là, petit résumé maintenant avec du son de ce qui s'est passé hier soir dans l'émission. Écoutez. Allô? Allô, allô? Ça va mon pote ou quoi? Oh le gars. On a eu Kev Adams par téléphone hier. J'ai participé à ce trip évidemment en tant que pote, mais avant tout en tant que fan. Donc un gros fan de monsieur. Je trouve que c'est du très gros son. Et je trouve que c'est très bon pour nous, pour le kiff de tu vois, quand on est en vélo, en vélib, ouais. On écoute ça dans notre iPhone, on est bien. Oui, elle est nebo, mais pas elle, elle est la meuf de Ovi. Et ça, c'était en live, ça, hein. Ah, ça a kické, un poteau. Ainsi soit-il, comme dirait c'était l'ouverture. Ghetto chic, mais c'est pas celui qui chie dessus. Rancunier, reculez, repoussez, vaut pas mal. Mon petit doigt me dit des choses anormales. Les plus grosses punchlines ne sont pas dans tes textes, mais dans cette religion que Marie déteste, ouais. J'étais choqué par des choses qu'aujourd'hui je banalise, dégoûtant, mais nécessaire comme la structure. Ouais, le morceau Black Line en live, exclusivité. Je te raconte ma vie alors je devrais rap. Et je suis plus au stade de me demander si je fais du vrai rap. Je l'ai regardé en rentrant, j'ai dit voilà un petit aperçu avec du son de Black M hier soir dans l'émission. Donc on a eu Kev Adams parce que Kev Adams est dans le clip. Kev Adams est dans le clip. Tout comme Issa Doumbia, Willax et le petit Stéphane Bach. Dédicace à eux tous. Et à eux tous qui sont dans le clip. Madame Pavochko, le clip qui est arrivé hier, hein, qu'on a pu suivre d'ailleurs. Qui est arrivé hier, ouais. On l'a fait en simultané avec les images sur skyrock.fm. Mm. Avec le son sur Skyrock. Et là on va débuter avec le son uniquement extrait de l'album de Madame Pavochko. C'est parti? Allons-y, c'est parti. Allez, coup d'envoi de ce Planète Madame Black M. 31 mars. Dans les bacs, toujours. Et le hashtag Black M sur Skyrock, allez-y, balancez. Yeah. Hello. You. 31 mars dans les bacs. Ce son est une dédicace à Madame Pavrochko. Vous vous souvenez? Monsieur Diallo. Aïe, Madame Pavrochko, non, je suis pas en prison à l'hosto. Non, je fais des hits, Madame Pavrochko. Et vos gosses me kiffent, Madame Pavrochko. Oui, oui, oui, oui, Madame Pavrochko. J'ai toujours autant d'inspire, Madame Pavrochko. C'est pour mes gars, so oui, Madame Pavrochko. Si vous voulez, on se tweet, Madame Pavrochko. Et ça fait solo, tête sous l'eau. Je me suis dit, c'est le moment, mais le fire. Vous vous souvenez d'Ouam, le petit Renoir qui grattait des couplets de barge. Franck le délégué, dites-moi où est le mic. On dirait qu'on m'a pouca, wesh, d'où M-Snipe. Ma vie, les cours, oui, oui, oui, oui, je m'en bats. Les c***, oui, je sais, c'est dommage. Du coup, vos surveillants sont contre moi, moi, moi. Ah, ah, Madame Pavrochko, non, je suis pas en prison. Ou à l'hosto, non, je fais des hits, Madame Pavrochko. Et vos gosses me kiffent, Madame Pavrochko. Oui, oui, oui, oui. Madame Pavrochko, j'ai toujours autant d'inspire, Madame Pavrochko, c'est pour mes gars sur weed, Madame Pavrochko, si vous voulez, on se tweet, Madame Pavrochko. Solo, tête sous l'eau, je me suis dit, c'est le moment, mais le fire. J'ai trop fait d'aller-retour au rectorat. Vos discours dans ma tête, j'en ai fait une vraie chorale. Toi tes épaules dans ton bureau, tu me dis va bricoler. Et moi au lieu de te gifler, je préfère en rigoler. Dès que nos regards se croisent, hop, adrénaline. Oui je sais, j'ai pas calculé le prof de mathématiques. J'analysais un de tes fameux couplets, una kikike. Oui je sais, madame, le rap a failli gâter ma vie. Oh, allez, Madame Pavrochko, non, j'suis pas en prison à l'hosto. Non, j'fais des hits, Madame Pavrochko. Et vos gosses me kiffent, Madame Pavrochko. Oui, oui, oui, oui, Madame Pavrochko. J'ai toujours autant d'inspire, Madame Pavrochko. C'est pour mes gars sur weed, Madame Pavrochko. Si vous voulez, on se tweet, Madame Pavrochko. Je me suis juré qu'un jour, vous danserez sur mes sons. À une époque, je voulais me procurer un Smith & Wesson. Une petite voix me chuchotait, vas-y, tire sur les codes. Ça fera une petite anecdote, la directrice elle est conne. Pourquoi ce compte de surveillant me demande de vider mes poches? On est pas au poste de police, et moi je suis fidèle au poste. Mettez-moi vos heures de colle, même allez prévenir vos collègues. Vous avez qu'à être en colère, c'est nous les restats du collège. Oui, aujourd'hui ils diront que je ne rappe que pour les types. Que pour le fric, quel drôle de type. Je dirais même petit con, qui s'imagine avoir la force de King Kong. Oui, aujourd'hui ils diront que je ne rappe que pour les types. Que pour le fric, quel drôle de type. Je dirais même petit con, quel drôle de. J'ai d'avoir la force de King Kong. Oh, ah, Madame Pavrochko, oui, le 31 mars dans les bacs. Non, je fais des hits, Madame Pavrochko. Va le pécho, gosse me kiffe, Madame Pavrochko. Oui, Madame Pavrochko. J'ai toujours autant d'inspire, Madame Pavrochko. C'est pour mes gars, so oui, Madame Pavrochko. Si vous voulez, on se tweet. Bisous, Madame Pavrochko. Mouah. Solo, tête solo, je me suis dit, c'est le moment. Men fire, fire, fire, solo, tête solo, je me suis dit, c'est le moment. Men fire, fire, fire, fire. Hey, oh, hey, hey. Battu. Oui, il a pas eu son BEP. Oui, madame. Oui, j'ai fumé. Oui, il fumait des toilettes. Dans les toilettes. Oui, j'ai le BEP content. Oui, j'ai pas eu mon bac. Oui, j'ai pas eu mon BEP. Oui, j'ai pas eu mon brevet. Oui, mais je vous remercie. Vous m'avez donné la force de réaliser l'un de mes rêves les plus fous. Ah, les yeux plus gros que le monde. Ah, à suivre. Le staff. Madame Pavrochko, à l'instant, c'est extrait l'album de Black M. Yes. Les yeux plus gros que le monde, il y a le clip qui est arrivé hier. Le clip, d'ailleurs, j'ai une question. Attention, j'ai une question pour tout de suite d'entrée de jeu. Repartir avec l'album dédicacé de Black M. Qui sont les personnalités présentes dans le clip de Black M, Madame Pavrochko? C'est simple, on l'a dit il y a quelques minutes. Facile, hein, facile. Alors là, c'est cadeau, hein, j'ai envie de dire. C'est cadeau, comme les cadeaux de Black M. Allez-y, vous nous balancez les quatre personnalités présentes dans le clip. 41, hormis toi, bien sûr. 41759, avec le hashtag Black M sur Skyrock. N'hésitez pas à tout balancer. Vous êtes en train de faire péter le net en ce moment. On a un problème, puisque d'habitude, le live est retransmis sur skyrock.fm et il paraît que les serveurs Dailymotion ont lâché à cause de toi, Black M. C'est l'effet Black. C'est-à-dire que là, ils sont tous en train de réparer, ils transpirent tous chez Dailymotion. Ils ont qu'à transpirer, poteau. On les salue d'ailleurs, mais bon courage à vous. Et on espère que ce sera rétabli. En tout cas, on enregistre et les vidéos seront disponibles juste après Momo. Tu nous découperas ça pour 21h. Black M avec nous. Yes. Et l'album dans les bacs. L'album dans les bacs. Il y a aussi le compère qui est là, le poteau, l'ami, le frère. Le frangin qui est là. Ouais. Bah ouais, il est là, il vient, il soutient, ça fait plaisir. Et même les autres aussi soutiennent de loin. Mmh. J'ai pu apercevoir Muggy Warano tout à l'heure. Et il soutient aussi, donc tout le monde est là. Ouais. T'es passé aussi en studio, toi, Masca, quand il enregistrait. Ouais, bien sûr, on a toujours travaillé en équipe, donc on a toujours l'habitude de se donner des coups de main, que ce soit pour l'album de Gim, celui de Black M, le mien, n'importe lequel, on travaille toujours en équipe. Bien sûr. Après, cet album, c'est vraiment l'identité de Black M. C'est ses morceaux, c'est ses thèmes, c'est son écriture, c'est tout. Mais on est toujours là pour se donner des conseils, etc. Tu l'as écouté intégralement aussi ? Ouais, bien sûr, on le connaît par cœur quand même. Bon, est-ce que tu as déjà un petit top 3, un petit top 4, un petit top 5 ? Moi, j'aime beaucoup l'écriture. Donc, forcément, le Black Line, j'aime beaucoup. Mmh. J'aime aussi Casse pas ton dos. J'aime énormément. Et puis, Spectateur aussi, c'était un de mes préférés. Bon, ce soir, on va passer la légende. La légende Black. Ça, celui-ci, il est dispo. C'est-à-dire que si on précommande l'album, on l'a. Là, tu l'as tout de suite. Dès que tu précommandes l'album, tu l'as direct. Donc. Et il a reçu un gros accueil, hein, ce morceau. Attention, c'est un ovni. Mmh. Ouais, parce qu'il est arrivé aujourd'hui. Hein. Il est arrivé aujourd'hui. Deuxième direct du Top iTunes. Et c'est normal, c'est un ovni. On va l'écouter, tu vas voir. Qu'est-ce que tu veux le balancer maintenant ou tu veux en balancer un autre? Je me ferai bien Sur ma route avant. Ah, Sur ma route. Ouais, celui-ci, il est gros aussi. Gros morceau aussi, bien sûr. Celui-ci. Et puis attention, dans quelques minutes, on vous balancera 2-3 minutes du son de Masca. Attention. J'essaye de gratter un peu. Un gros son aussi. J'essaye de gratter un petit peu. 3 minutes. Ouais, un couplet, un refrain, c'est déjà lourd, c'est déjà bien. Premier couplet, refrain. D'accord, c'est ce qu'on pourra découvrir dans un instant. Il y aura du live avec toi aussi. Ouais, un freestyle comme d'habitude, l'école section d'assaut. Et puis, toi, tu nous fais Spectateur en live, c'est ça ce soir? Non, c'est pas Spectateur, c'est le morceau, c'est la légende Black. Ah oui, tu vas faire la légende. Ouais, je vais faire la légende. Je te suis plus, Fred. Après, je suis un peu perdu, mais heureusement, vous êtes là pour me remettre dans le droit chemin. Pour me remettre sur la route, j'ai envie de dire, avec le titre qu'on écoute tout de suite. C'est parti. C'est extrait de l'album de Black M, et c'est dans les bacs lundi. Yes. Sur tes chers parents, parce que les amis eux disparaissent un par un. Oui, il m'arrive d'avoir le front au sol parce que Dieu est grand et on est seul, on meurt sur ma route. Oui. L'impression que mon cœur en souffre, mais je suis sous anesthésie. Sur mon chemin, j'ai croisé pas mal d'anciens. Ils me parlaient du lendemain et que tout allait si vite. Ne me parle pas de nostalgie, parce que je t'avoue que mon cœur est trop fragile. Je suis comme un pirate naufragé. Oui, mon équipage est plus qu'endommagé. Je sèche mes larmes, je baisse les armes. Je veux même plus savoir pourquoi ils me testent les autres. S'il y a plus rien à prendre, je sais qu'il me reste une chose. Et ma route, elle est trop longue, pas le temps de faire une sauce. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le monde. Le 31 dans les bacs, les yeux plus gros que le monde. Yeah. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis. De quoi devenir fou. DG, yeah. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Le 31 mars dans les bacs. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route. Sur ma route. Sur ma route, c'est extrait de l'album de Black M. C'est d'ailleurs le morceau qui conclut l'album. Il a été fait quand d'ailleurs, dans les derniers celui-ci ou... Dans les derniers, ouais. Il est arrivé vraiment dans les derniers. Les dernières nuits blanches, dernière ligne droite. On n'a pas dit. On n'a pas dit un mot d'ailleurs sur les gens avec qui t'as bossé pour les sons, pour tout ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, il y a eu. Il y a l'équipe habituelle aussi. Qui... C'est l'équipe habituelle. On a eu sur certaines prods de Renaud le magicien. Il y a eu Stan eMusic et Scalpovic et Danny Sainté. Et ça, c'est Scalp, hein, je crois, celui-ci. Ouais, ça, celle-là, c'est, sur ma route, c'est Scalp. Sur ma route, c'est Scalp. Mmh. On écoutait un instant. Donc voilà, les gens qui ont bossé au niveau des productions. Exactement. De cet album, les productions musicales. On va écouter dans quelques minutes un extrait de Masca. Ce sera juste après la pub. Mais avant, on a promis un morceau qui s'appelle La Légende. La Légende Black. La Légende Black. La Légende Black avec Dr. Berry's. Gros morceau. Ouais, c'est franchement celui-là, c'est le préféré de beaucoup de monde. Et c'est la preuve, il est arrivé deuxième. Comment t'expliques d'ailleurs, tu le sentais toi en enregistrant ou pas ce morceau? Tu sentais qu'il est... Mais ce morceau, il sort entièrement de la tête à Dr. Berry's en fait. Et le mec, c'est une machine. C'est il est un peu comme, il est même beaucoup comme Muggy, comme Gims, tu vois. Ils ont plein de mélodies en tête et quand il les reproduit, c'est vraiment une dinguerie. Lui, il m'a fait le truc. Je lui ai dit, ramène le son, mets-le dans le CD vite. Un relou. Je crois qu'il va pas tarder à arriver. D'ailleurs, il y a une partie de l'institut qu'on salue aussi qui est là. Salut qui à est toi, micro. Fred. Comment ça va, messieurs? On est là, ça va tranquillement. Tout se passe bien. Ouais, j'ai une petite mauvaise nouvelle pour vous. Balise, il est un peu en retard. Mmh. Il sort du studio, il est dans les. Il va arriver. Il va arriver. Il sera là pour la fin, pour le live. Voilà, tranquille. Il sera là pour la fin, mais pour l'instant, comme il t'a dit, Melis, il a fait des très très gros sons avec Black M. Et franchement, c'est un gros kiff pour nous. Bon, bah, on va vous demander vos réactions, à moins que vous ayez déjà acheté l'album. Et si vous avez acheté ou précommandé l'album, vous avez reçu directement ce morceau aujourd'hui. Exactement. Dès le réveil, on m'annonce aussi dans l'oreillette que le live marche sur le skyrock.fm. Donc allez mater les images de Splendid Trap, ça y est, c'est réparé. Merci à nos amis de Dailymotion, tout est réparé. Donc on peut suivre le live en direct sur skyrock.fm. Et on écoute donc ce morceau maintenant. Yeah. La Légende Black. La Légende Black featuring Dr. Berry's. Exclu, ça sort dans 6 jours dans les bacs. Les yeux plus gros que le monde. IST. Yeah. Dr. Berry's. Big Black. Et on disait qu'il avait trop de tir. Et qu'il vendait du rêve au lady. Et pour lui, personne se faisait de pire. Pas besoin de cogiter ta diatité. Black M. Berry's, qu'est-ce que tu fais, enfoiré? Et avec ses mélodies, on oubliait la crise. Pour pas se prendre la tête, disait ainsi soit-il. Pas besoin de cogiter ta diatité. Hello Berry's. Comment vas-tu depuis Wati? Comment leur dire que et c'est moi le king. C'est moi qui vous dicte le chapitre. Rêveur, on dit je suis chez père, mais le big black aim il a ses pairs. Et on dit que la chute elle est sévère, mais le débrouillard il sait faire. J'ai le sang du daron de la Guinée, tout comme j'ai le sang d'un rappeur qui s'est kické. Je me fous de vos idoles carry, ce n'est pas eux qui me donnent le marot. Je suis pas dans les délires, elle est quand le sol est frappe, je suis plutôt maroc. Gros son pour les refrains. Il faut que tout le monde chante en route. Et on disait qu'il avait trop de tir. Ouh. Et qu'il vendait du rêve au ladies. Et pour lui personne se faisait de pire. Pas besoin de cogiter ta diatité. Envie de chanter, il faisait la dive. Et avec ses mélodies on oubliait la crise. Pourrait pas se prendre la tête, disait ainsi soit-il. Pas besoin de cogiter ta diatité. Sans pour autant vouloir être nové, m'en voulait pas d'avoir innové. Vos sons me donnent la nausée. J'étais au car souvent posé. Je voulais que personne vienne me causer. Je voulais juste dream et me sauver. Fort que l'intérim, je préférais chômer. Beaucoup m'ont dit que je finirais paumé. J'avais que section pour m'épauler. J'étais souvent dur et en colère. Oui, je n'aimais pas le système scolaire. J'avais du mal avec les horaires. Et mes ennemis, je disais, je les aurais. Je ne suis pas là pour décorer. Non, Renoir, faut pas décorer. Et on disait qu'il avait trop de tir. Et qu'il vendait du rêve aux ladies. Une black M. Il chantait, il faisait la div. Et avec ses mélodies, on oubliait la crise. Pour ne pas se prendre la tête, disait ainsi soit-il. Pas besoin de cogiter ta diatilité. Tout le monde fait. Sur mes titres, manga. Si j'ai les yeux plus gros que le monde, c'est que j'ai dû voir ce qu'ont vu tous les grands du monde, n'est-ce pas? J'ai que ma gueule, ma musique et mon style. Pour m'en sortir, j'ai dû transmettre ma peine. Oui, on disait qu'il avait trop de tir. 31 mars dans les bacs. Et du rêve aux ladies. Mélis, t'es où? Personne se faisait de pire. Pas besoin de cogiter ta diatilité. Black M. Black M. Dream. Dream. La légende Black avec Dr. Berry. T'as juste envie de danser, pote. Est-ce que vous avez ressenti ça? Juste envie de danser. En fait, envie de sauter partout. Partout, ouais. Et de chanter, chantonner le refrain. Voilà le morceau qui s'appelle La Légende Black. Ce morceau, vous l'avez déjà à la maison si vous avez précommandé l'album. Exactement, ouais. Je le répète, mais c'est important. Tu précommandes, tu reçois le morceau directement chez toi. Et puis. Gros dream. Et puis, on vous envoie aussi directement Black M à la maison. Ça, c'est à partir du 31 mars. Ça, c'est à partir du 31 mars. Tu vas te balader un peu partout dans toute la France. Dans toute la France, je vais me balader, ouais. J'ai plusieurs villes à faire. D'ailleurs, je me ferai bien un petit peu les dates avec toi. Et aussi. Bah, grand plaisir. Donc, le 31 mars. 31 mars à domicile à la Wati Boutique à Paris. Jour de sortie. Jour de sortie, ouais. Gros événement. Mercredi 2 avril, je serai à Lille au Foot Corner. Vendredi 4 avril à Montpellier à la boutique officielle du club de foot. Le samedi 5 avril, je serai à Marseille à la Wati Boutique. Le mardi 9 avril à Toulouse au Météorite. Le vendredi 11 avril au People Wear. Le samedi 12 avril à Bordeaux, California Gym. Le mercredi 16, on sera à Beauvais, à Cacheville. Le vendredi 18, à Rennes, au Project Store. Le vendredi 25, au Havre, au Foot Corner de mon gars Baraka Dama, je répète. Samedi 3 mai à Béthune, Intersport. Samedi 17 mai à La Rochelle, Intersport aussi pareil. Venez nombreux. Et il y a le t-shirt collector qui va avec. Donc t-shirt collector, là, on offre la totale. Allez-y. T-shirt collector. Bon, n'oubliez pas de me follow sur Twitter, BMSRIM. De mec, il me regarde bizarre, il me dit relance les réseaux sociaux. Ah, non, ah, c'est le spécialiste en réseaux sociaux. Ouais, c'est le Bang. Du tout. Fait les gros yeux. Du tout, il avait juste envie de me chambrer. Ah, c'était juste ça, tu crois? Juste. C'est une petite attaque comme ça, un petit peu. Comme ça, comme ça. Ah, ton casque. Tous. Ouais, excuse-moi, mon casque. On est en top 8, je crois. Ah, est-ce qu'on l'a? Ah, on me dit qu'on peut mieux faire. On me dit qu'on peut mieux faire. On peut mieux faire. On me dit qu'on peut mieux faire. On peut mieux faire, mais c'est déjà bien quand même. C'est déjà pas mal, mais on peut mieux faire. Ok, bah allons-y. Donc allez-y avec le hashtag Black M sur Skyrock. Donc dans un instant, tiens, justement. Exploser le bail. Peut-être qu'on aura aussi Masca sur Skyrock en TT, puisqu'on va vous balancer un court extrait. Masca en TT, c'est parti. C'est, il s'appelle comment le morceau là? Prêt pour moi. Et celui-ci va arriver, c'est ça, dans une quinzaine de jours? En clip, ouais, il va arriver dans une quinzaine de jours chez vous, en clip. Vous aurez qu'à cliquer et vous verrez ce clip cinématographiquement très beau. Est-ce que c'est le premier extrait officiel? Parce que je sais qu'il y a eu des singles, ce qu'on appelait les singles zéro avant. C'est vraiment le premier extrait de ton projet Espace-Temps. C'est le premier single, voilà, qui est extrait d'Espace-Temps. C'est le premier morceau que vous pouvez écouter. Et ben, il arrive dans quelques minutes, juste après la pub. Ne bougez pas, on est de retour, c'est le Planète Rap de Black M. Yeah. Comme toi, Black M a choisi Planète Rap. Planète Rap. Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est Black M cette semaine, à 6 jours de la sortie des yeux plus gros que le monde. Toujours présent. Black M est là, Masca est là aussi. Masca est là aussi. Le docteur de l'institut est arrivé, docteur Beriz. Beriz, il est arrivé. Oui, je viens d'atterrir. Bah, excusez, j'étais dans les bouchons, ça, j'étais en studio. Est-ce que tu as écouté au moins le morceau? Est-ce que tu as écouté à la radio le morceau? Je l'ai percuté dans la voiture, j'étais un peu. J'étais surpris. Comment il passe dans la voiture? Franchement, c'est lourd. J'ai baissé les fenêtres, j'ai vu une meuf et danser, tout ça. Franchement, une ambiance dure. Mais le morceau s'appelle La Légende Black. Ouais. Vous allez le faire en live. On va le faire en live, t'es prêt? Je suis chaud, je suis né prêt. Ok. J'aime bien cette. Je suis né prêt. J'aime bien cette petite expression qui glisse très bien d'ailleurs. Juste avant, je crois que l'heure est venue à 20h25 de dévoiler celui qui sortira en solo après toi. Exactement, Masca. Courant de l'année 2014, la date du 12 mai, oubliez-la. Ouais, on l'oublie. Parce que voilà, il faut un peu plus de temps, c'est comme ça. C'était l'anniversaire de ma fille, ça me tenait à cœur, mais bon, faut l'oublier. Tranquille, on passe à autre chose. Voilà, autre chose. Et ce sera donc courant de l'année 2014. Ouais. L'album de Masca, premier album solo aussi pour toi, Masca. Yes. Et le morceau, là, on va écouter une partie, c'est ça, hein? Ouais, une partie, ouais. Avec Gims? Ouais, c'est ça. Au refrain. On le balance? Ouais, c'est toi qui fais le coup d'envoi. Écoutez bien. Achou, on voit ça. Il me paraît bien chaud là, donc. Exclu sur Skyrock. Gros exclu. Bang bang, je navigue sur un tsunami. Bang bang, je suis un psychopathe. Mon arme me suit au pas. Bang bang, je compte sur toi. Si je meurs, prie pour moi. Bang, j'ai 17 piges, j'ai besoin d'argent, je suis grave blanchi dans la street. Je rêve de pouvoir, je rêve de royaume dans des halls qui sentent la piste. Pour moi, ma vie, mon avenir, rime avec l'argent facile. Seul, je manie mon navire, les keufs attendent que chavire. Tous mes potes sont déjà tombés, alors je soigne leur plaie quand j'envoie des mandats, mais là j'ai pas fait de maille dans ce mois. Donc, quiconque me doit des thunes, va payer sinon le bitume. Cogne grâce à tête très fort, je veux pas qu'on prenne pour une petite pute. Les mecs du quartier d'en face me font tous les nerfs. Ils me pensent lève, mais ils savent pas que même seul touche. Je les baisse. Ils me donnent des sous, ils me prennent pour qui depuis des mois je patiente. Ils profitent que je sois sans équipe, faut que ces bâtards la sentent. Mon rêve est au placard à la santé, j'ai son tarpé. Pas question de m'en écarter, je vais dans leur tête les éclater. Un baiser pour ma mère, l'espoir du pardon divin. Le quartier dans mon cœur, mon cœur me parle et moi je dis rien. Bang bang, je vais sûrement perdre ma vie. Masca. Bang bang, je navigue sur un tsunami. Bang bang, je suis un psychopathe. Mon arme me suit au pas. Bang bang, je compte sur toi. Si je meurs, prie pour moi. Bang bang. Espace-temps. Bang bang. Fin 2014 dans les bacs. Prochain couplet à suivre sur internet très bientôt. On reste sur sa fin quand même, hein. Wow. Yes. Bah pour tous ceux que ça donnait envie de découvrir la suite. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Oui, bon, ça passe, à ce temps-là ça passe. Il y a le clip qui va arriver dans 15 jours. C'est un gros clip. Faut juste patienter un petit peu. Voilà. Mais je propose quand même que l'on applaudisse quand même pour ces premières minutes dévoilées en exclu. Frissons. Les morceaux de Masca, c'est des frissons. Tout simplement. Masca à l'instant avec Gims. Rappelle-nous le nom de ce morceau, Masca. Prêt pour moi. Et ça sortira là d'ici 15 jours. Il y aura le clip qui va être envoyé. En attendant donc l'album Espace-Temps courant de l'année 2014. Exactement. Belle petite exclue, hein. Ouais, grosse exclue. Grosse. Merci. À l'instant, dans quelques minutes, on balancera un morceau qui s'appelle Qatari aussi. Ouais, vas-y, on va se mettre. Que toi t'as envoyé la semaine dernière. Qatari, c'est n'importe quoi ce morceau-là. À bout de bang, il a fait un ouh. qui est... qui a l'air de dire... Le morceau est lourd. Bon, tous les morceaux sont lourds. En plus, les jeunes le réclament. Ouais, on le balance dans un instant. Je voulais aussi dire... Non. J'ai pas la bonne réponse du jeu de Black M. J'ai pas le nom pas de personne. Si, il y a plein de réponses, mais on m'a pas filé la fiche avec la personne qui repart avec son album dédicacé. C'est pas grave, on va le faire dans un instant. Juste avant, freestyle par téléphone de Picos de Garche. Garge, allô Picos. Ouais, allô. Ça va bien? Bien quoi? Ouais, je te présente Black M qui est là toute la semaine. Il y a Masca qui est dans le coin aussi. Bien quoi les gars? Une partie bien frérot. Qui est là, Dr Brélise, Abou de Bang, c'est le roi. On est là, what in there? C'est ça mon sauce. T'es prêt à rapper, Picos? Je suis prêt toujours. Allez, c'est parti. Ouais, big up à tous ceux qui nous écoutent quand on sort des sons. Joe, demande à Adam, te frotter. Boy, Muet City, il arrive lourd. Crisco. Ok, ça fait. Faut tomber de pour le rio, nique sa mère mollo. Va au studio, mets les KO, adapte un nouveau flow. Freestyle l'auditeur, on te baisse comme Black M spectateur. On pèse comme un putain de bodybuilder. Classe adore garage, y'a mes gars dans les parages. Si tu veux nous fumer, baby, t'es ma perte bagage. Les petits, de maintenant c'est plus Kimo et Pumba. Fini l'époque, depuis ma maintenant c'est fume ça et on se bat. On se barre de Garcia City et on va en Bolivie bronzer comme à Miami, voir les meufs de Tahiti. Grosse location, donne des putains de tentations. Inspiration, pas dans ma façon, numéro 1 pour position. Mise à l'amende, c'est toi qui commande. Je réponds à vos demandes, des chansons à l'attente. Je suis là pour ces rebeux, toi t'es là pour acheter un feu. Moi je suis là pour tremper ma queue, toi t'es là pour pécho ta bœuf. Respecté de partout, de Paname jusqu'à Tombouctou. Depuis 8 mois que je fais du rap, les MC j'en graille beaucoup. Sortez les compètes, sortez les YZ. Comme à la muette, fais frotter la bavette. Disant que personne n'y est rentré. Sans supplier, demandez d'arrêter. 2014 c'est mon année. Et je te le jure, les MC vont en baver. Libérez le chrome de l'Angleterre. Pilote, Lutec, la débrouille. À l'instant, Picos en freestyle. Picos. Je reste debout. Bilou Jamaa. Eh ben merci à toi, Picos. Vas-y. Ciao, passion. Ouais, vas-y, tu veux passer des dédicaces, c'est moment jamais, ou rappeler si t'es sur internet quelque part, vas-y. Vas-y, Spilox, Lutec, libérez Strom de l'Angleterre, mon pote s'est frotté. Flo, Adam, Demon, tout le monde, voilà. Et si vous voulez me retrouver sur Twitter, Picos Garge. P-I-I-K-O-Z-G-A-R-G-E-E-S. Et pareil pour Facebook. Voilà. Et vous me retrouvez. On te retrouvera. Merci beaucoup à l'instant, Picos en freestyle. Dans l'émission, donc c'est bon, j'ai la gagnante pour le jeu. La gagnante. L'album dédicacé, la question c'est qui sont les personnalités présentes dans le clip de Black M, Madame Pavoshko. Tu fais les réponses ou je les fais? Vas-y, fais-les. Willax. Est présent. Présent. Kev Adams est présent. Exact. Stéphane Bach est présent. Exact. Et monsieur Issa Doumbia qui est présent également. Voilà. Voilà, ils sont quatre personnalités. C'est Alicia de la Courneuve qui repart avec son album dédicacé de Black M. Yes, dédicacé à mes quatre gars sûrs d'ailleurs. Qatari à écouter, c'est parti. Et après on fait du live sur Skyrock. Dito Qatarique. Dito Qatarique. Ramenez-moi vos rois. Je vais retourner l'endroit. Ramenez-moi vos rois. Je vais vous faire marcher droit. Ramenez-moi vos émirs. Je vais remplir tous vos zéniths. Qatari que le Ouattibé, il vient de Paris. Allez leur dire. Dito Qatari que le Ouattibé, il vient de Paris. Wesh Nasser. Dito Qatari que le Big Black M, il vient de Paris. Dito Qatari que je vous plus cher. Ramenez-moi vos rois, je vais retourner l'endroit. Ramenez-moi vos rois, je vais vous faire marcher droit. Ramenez-moi vos émirs, je vais remplir toutes vos élites. Ramenez-moi vos émirs. Par la 9ème zone, là où l'homme tu ne peux pas le raisonner. Kick depuis l'époque dans la ils ont mis pas les joueurs adhérents à la zombie. Casquette à l'envers, y'a pas eu que des clips dans le square d'envers. Paris Denja, la goutte d'or qui fait déborder le vaso. Écoute, la même merde jusqu'à place de Clichy, méga figé. Obligé de kicker, montrer que je peux les monter en l'air. Wesh, riquet, crime et cambré. Dites-leur pas de mec cambré. Paris Denja, Dawala dealer qui finiront démembrés. Dito Qatari que le Ouattibé il vient de Paris. Allez leur dire. Dito Qatari que le Ouattibé il vient de Paris. Wesh Nasser. Dito Qatari que le Big Black M il vient de Paris. Dito Qatari que je vaux plus cher que Cavani. Ramenez-moi vos rois, je vais retourner l'endroit. Ramenez-moi vos rois, chaîne par Danube. Gaston Pinot, dis-moi d'où vient ton pilon. Même d'où viennent ces mixtapes qu'à l'époque on appelait pur son ghetto. Là où y avait les César Guelphare et mes gravons du 9-4. Nous, gros bras, et en face il n'y avait que des petites frappes. Bref, ferme-la quand j'opère, kick sale pour les mecs de la grange au bel. Quand je rappe ton MC, il panique grave. J'suis le prochain de S, la place Stalingrad. T'as dû me voir Zepo dans le 17 avec toute une équipe de Z. Ou bien en train de marcher vers eux en quête de niquer tout le rap vieux. Bref. Dites aux Qataris que le Watibé Black Mastrine, allez leur dire. Dites aux Qataris que le Watibé il vient de Paris. Watermark. Dites aux Qataris que le Big Black M il vient de Paris. Dites aux Qataris que je vaux plus cher que Qataris. Ramenez-moi vos rois, je vais retourner l'endroit. Ramenez-moi vos rois, je vais vous faire marcher droit. Ramenez-moi vos Zémir, je vais remplir tous vos élites. Ramenez-moi vos Zémir, je vais remplir tous vos élites. 9-1, 9-2, 9-3. Allez, tout le monde dit black. Black 4, 9, 5, 7, 7, 7, 8. Tout le monde dit black. Black Nina, voix d'un là-bas aussi. Tout le monde dit black. Black Maroc, Algérie, j'ai dit. Tout le monde dit black. Black dédicacé tout le monde. Et j'attends pas que le monde vienne me dédicacer. J'ai pas le temps de clasher avec vous les mecs. Laissez-moi juste passer. J'ai la dalle d'un mec de chez moi. Parfois, j'suis complètement ingérable. J'suis en studio et règle la gérale. Big black et H. Dites aux Qataris que le Watibé il vient de Paris. Allez leur dire. Dites aux Qataris que le Watibé il vient de Paris. Ouais, que le Big Black M il vient de Paris. Dites aux Qataris que je vaux plus cher que Cavani. Ramenez-moi vos rois. Je vais retourner l'endroit. Le 31 dans les bacs. Je vais vous faire marcher droit. Yeah. Ramenez-moi vos émirs. Je vais remplir tous vos élites. Ramenez-moi vos émirs. Je vais remplir tous vos élites. 31 mars dans les bacs, les yeux plus gros que le monde. Blue. Va le chercher, Black Mesrine. Yeah. Yeah. Déjà en prévu. Ramenez-moi vos rois. Ramenez-moi vos rois. Roi. Ramenez-moi vos rois. Roi. Yeah. Je vais vous faire marcher droit. Roi. 31 mars dans les bacs. Extrait Qatar. Yeah. Black M à l'instant et le morceau qui s'appelle Qatari, c'est extrait de l'album. Celui-là, il était balancé la semaine dernière, celui-ci. Balancé la semaine dernière, ouais. Est-ce que ça veut dire, par exemple, si on précommande l'album, on a aussi celui-ci? Non, celui-là, non. Ah. Celui-là, c'est autre chose. C'est un autre cadeau. Un autre cadeau, c'est autre chose. Encore un cadeau comme ça? Il y a que des cadeaux dans l'album. Que des cadeaux. Waouh. Que des cadeaux. Les yeux plus gros que le monde et autres cadeaux maintenant du live. On commence par qui? Il y a Masca qui doit faire du live. Il y a le titre avec Dr. Belize aussi que vous devez faire. Ouais. On va laisser Masca débuter. Masca débute. C'est parti. Yeah. Allez, session live maintenant dans l'émission dans Planète Rap avec Masca qui vient nous rendre une petite visite à Black M. Le blanc. Yep. Section d'assaut. Yeah. Dédicace à Auster. Auster, mon gars. Oh, oh. Ne me juge pas, t'es qu'un pauvre type. Si tu m'insultes, je te rêve. T'es trop petit, moi j'ai trop de style. Je te l'avais dit que je t'aurais. Déterminé quand j'opère. Je crois que ta meuf est au peine. Elle est déjà dans l'hôtel. Elle est déjà en mode chaîne. Oui, dans ce monde tout est possible, à part que l'on soit en paix. Dans ma tête c'est comme un coffee shop, ça fume et ça me plaît. J'ai pas besoin de ces reines qui te prennent dans leur pain pour te ken. Et dis-moi qui peut te croire quand tu pèses lorsque toutes tes pensées sont trop lèches. J'ai pas de pacard de pile qu'on le rap, t'as signé ton contrat, alors parle pas. Les filles que t'as attrapé te plaquent dans l'appart et t'as poucave ton pote, alors parle pas. Les pas de place où les culs chartent par chat. Tu forces les portes, tu perces pas. La vie est dire, tu passes pas. Papa rien te remplacera. Surtout pas cet écran plasma. Non. Qui dit de la merde dans des poèmes que t'écrivais dans ton appart. Oh. T'avais raison, faut que la paperasse. J'élève les gosses et je m'accable. Sans te mentir, je suis pas stable. Sans te mentir, je me rabatte. Dans la lumière, mais je vois mal. Mon parcours est propre, mais je rappe sale. Ma haine est là, elle est palpable. J'ai tellement sué que t'auras papier. Un petit tapé dans mon 3/4. Un gros tapé dans mon 4/4. Tu me connais pas, je suis déclaré comme la guerre avec une ambition bien plus grande que les mondes. Tu oublies, j'ai toutes mes capacités. Tu commences à y croire. Depuis 30 secondes, toujours présent quand les coups partent. N'en écoute pas quand les fous parlent. Jamais perdu mon courage, jamais déçu mon entourage. Oui, t'as couché avec la soeur de ton pote, mais tu t'es fait cramer. Est-ce que tu ressens la honte? Un tombant, ça t'es veut garder le gosse. Le petit sera-t-il mal aimé par son goût? Je crois qu'on aime tous mes pouvoirs. On se vole trop la face pour le voir. La vie d'ici n'est qu'un pourboire. Ta poche pas tôt, je suis un trou noir. Le président est sournois, t'es sourd ou quoi? Je suis sûr de moi. Ma propre haine me fout droit. T'es fou, toi, je suis fou de rage. Le blanc espace-temps dans les bagues, bientôt. Ouais. Bientôt dans les bagues, oh, espace-temps. Ça va être dur. Il a... Ok. Yeah. Sean Black, my man. Béli, est-ce que t'es prêt? Oh, yeah, yeah. Je connais. Oh, oh, oh. Ok. Ok. Qu'il avait trop de style. Oh. Et pour le personne. Hein? Ah. Et agitait ta jazzine, Black M. Quand il chantait, il faisait la dupe. Et avec ses mélodies, on oubliait la. Yeah, est-ce que vous êtes prêts? Depuis Wattie, comment leur dire que c'est moi le king? C'est moi qui vous dicte le chapitre. Rêveur, on me dit je suis chez père. Mais le Big Black M, il a ses pères. Je suis que la chute, elle est sévère. Mais le débrouillard, il sait faire. J'ai le sang du daron de la Guinée. Tout comme j'ai le sang d'un rappeur qui s'est kické. Je me fous de vos idoles, carry. Ce n'est pas eux qui me donnent le marron. Je suis pas dans les délires. Oh, elle est quand le soleil frappe, je suis plutôt maroc. Gros son pour les refrains. Il faut que tout le monde chante mon refrain. Et qu'il avait trop de style. Qu'il vendait du Rival Lady. Pour lui, personne se faisait le pire. Quand il chantait, il faisait la div. Avec ses mélodies, on oubliait la crise. On va se prendre la tête, disait ainsi soit-il. Pas besoin de cogiter, t'as déjà tilté. Je voulais juste prendre mes lovés, sans pour autant vouloir être mauvais. Je voulais pas d'avoir innové, or tous vos sons me donnent la nausée. Au tiers souvent posé, je voulais que personne vienne me causer. Je voulais juste dream et me sauver, fuck l'intérim, je préférais chômer. On dit que je finirais paumé, j'avais que section pour m'épauler. J'étais souvent duré en colère, oui je n'aimais pas le système scolaire. J'avais du mal avec les horaires, et mes ennemis je disais je les aurais. Je ne suis pas là pour décorer, non Renoir faut pas décoller. Et on disait qu'il avait trop de style. Et puis on dirait vos ladies. Quand il chantait, il faisait la div. Avec ses mélodies, on oubliait la crise. On va se prendre la tête, disait ainsi soit-il. Pas besoin de cogiter, t'as déjà tilté. C'est qu'on vu tous les grands de ce monde, n'est-ce pas? J'ai que ma gueule, quelle ma musique, que mon style, hein. Merde. Quand je tire, mon gars. Si j'ai les yeux plus gros que le monde, c'est que j'ai dû voir ce qu'on vu tous les grands de ce monde, n'est-ce pas? J'ai que ma gueule, ma musique, que mon style. Ok. Cogiter, t'as déjà tilté, Black M. Quand il chantait, il faisait la div. Avec ses mélodies, on oubliait la crise. On va se prendre la tête, disait ainsi soit-il. Pas besoin de cogiter, t'as déjà tilté. Tout le monde. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na plus gros que le monde, c'est que j'ai dû voir ce qu'ont vu tous les grands de ce monde, n'est-ce pas? J'ai que ma gueule, ma musique et mon style, et j'ai dû transmettre ma peine sur mes putains de titres, mon gars. Arrête. Eh, vous savez quoi? Je vais vous dire un truc. Franchement, les gens, ils ont pas bougé, mais ils ont transpiré quand même. Moi, tu sais quoi? Je viens de grande journée, poteau, grosse journée studio, toute la journée. Mais là, quand même, ça a donné, poteau, c'était lourd, magnifique. Je pense qu'on peut faire du bruit justement pour ce live à l'instant. Très, très lourd. La légende Black en live. Avec docteur, mets le casque. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on va l'arsener. Souvent. Et qu'en plus, je voulais parler avec toi de ce morceau parce que comme t'étais pas là, t'es arrivé un peu à la bourre. Ouais. Et il nous a dit, c'est sorti du cerveau dingue de docteur Béliz. Bah, écoute. c'est en le regardant, ça m'a inspiré, tu vois. Et il rebire le truc. Il rejette le truc. Mais, on va pas se mentir, on va dire la vérité, tu vois, 100%. C'est en le regardant, tu vois, c'est venu en tête. Mais ça chuchote qu'il avait trop de style. Tu vois, ça va vite. Ça va très vite. Moi j'ai kiffé faire ce morceau avec le grand frère. Franchement, ça va donner lourd sur scène. Voilà, il m'a fait kiffer ce live. Allez-y pour les messages. Hein, 41Sky, 41759 avec le hashtag Black M sur Skyrock. Ça n'arrête pas de défiler. Toujours en TT ou? Bah oui, bien sûr qu'on est en TT. Lourd. J'arrive pas à voir tellement ça défile. Regarde tous les messages qui sont. Ouais, je vois ça défile. Et il y a beaucoup de réactions aussi sur le morceau de Maska qu'on a écouté. On a écouté, allez, quoi, 1:30 du morceau de Maska il y a quelques minutes. Faudra attendre 15 jours avant la sortie. Avant de se dire au revoir, on va rappeler quand même 2-3 choses. les dates très importantes, très important. La petite tournée des villes. Que alors, je vais répéter rapidement. Alors, le lundi 31 mars, on sera à la Wati Boutique sur Paris à domicile. Le mercredi 2 avril à Lille au Foot Corner. Vendredi 4 avril à Montpellier, la boutique officielle du club de foot de Montpellier. Le samedi 5 avril à Marseille à la Wati Boutique. Le mercredi 9 avril à Toulouse au Météorite. Le vendredi 11 avril à Lyon au People Wear. Le samedi 12 avril à Bordeaux au California Dream, pardon. Mercredi 16 avril à Beauvais à Cacheville. Vendredi 18 avril à Rennes au Project Store. Le vendredi 25 au Havre au Foot Corner de mon gars Baraka Dama. Samedi 3 mai à Béthune à Intersport. Et le samedi 17 mai à La Rochelle à Intersport aussi. Pareil, on va venir. Soyez présents, ça va être chaud. Venez pas louper avec le t-shirt collector. Ouais. Franchement, je l'ai pas bire, c'est ma frustration du jour. J'ai pas assez bire l'album de Black M. C'est vrai que d'habitude, t'as toujours le mot, même plus que le mot, la formule. Non, sincèrement, c'est un album qui a été travaillé très intensément. Il y a du fond, de la forme, comme à l'école de section d'assaut. Mais on sent vraiment le caractère, l'identité de Black M. Un de mes morceaux, ses préférés, c'est un morceau très intimiste qu'il a fait. Alors, le tien. Je m'en rappelle plus exactement. C'est tout moi. Voilà. Et donc il y a vraiment il y a des morceaux, il y a de tout. Pour ceux qui veulent du fond, de la forme, du concept, c'est un album hyper lourd. C'est la sortie de cette année, faut aller lâcher. Merci mon sauce. Voilà, Masca, il a tout dit ou presque. Juste un dernier mot aussi sur ce qui se passe pour toi, Docteur Belize. Ça dit quoi là? Moi je suis en studio là. Je vais dire une seule chose. Je suis en studio pour préparer mon projet solo qui va s'appeler Black de Vinci. Non mais pardon, tu voulais qu'il se passe quelque chose de particulier? Il y a une peine à l'intérieur de moi là, j'ai pas les mots pour dire exactement ce que je ressens. Là. Tu vois ce que je veux dire? Non mais c'est très chaud ce qui se passe en studio. Tu vois ce que je veux dire? Moi je suis un jeune artiste. Ok, j'ai commencé avec mon groupe. Là je suis en studio pour mon projet solo. J'aurai tout le monde avec moi comme d'habitude. Je suis pas seul, je suis avec mes frères. Ça va chier du feu. Docteur Belize, Docteur Belize. C'est vrai, Fred. Ah, c'est vrai. Pince. Ah, mais je crois, il le dit. C'est bien pour ça qu'il est présent sur les yeux plus gros. Je le dis, il le dit d'une façon tellement passionnée, si tu veux, ça se voit. Ah, Belize, c'est un artiste. Ça se voit, c'est ça. Je peux lire dans mes yeux. Je vois. Ça vient de loin. C'est quand l'extrait? On le raconte l'extrait. On est en train de voir, on est en train de discuter entre nous, on va faire ça bien propre, carré. Bon, courant de l'année 2014, il y a plein de choses en tout cas pour... Quelque chose comme ça. Pour le Wati B avec la semaine prochaine, dans 6 jours maintenant, la sortie de cet album. J-6, ouais. Les yeux plus gros que le monde qu'on découvre. 31 mars dans les bacs. Tous les soirs, une exclusivité, tous les jours une exclusivité, tu précommandes, l'exclusivité arrive directement dans ton iTunes. C'est un dream. Et comme on dit, aujourd'hui c'est pour Black M. Aujourd'hui son album il sort, ça va sortir très bientôt, là on est là pour promotionner le truc et tout, ça veut dire... Le frère, il est en train de faire des vrais trucs, il néglige pas. Ça, c'est pas des albums rap genre le Boogie raconte la même chose du début jusqu'à la fin. Il y a trop de couleurs et c'est trop d'ambiance. Ah bah c'est vrai qu'il est varié, ouais, l'album. Bien sûr, il est varié. Il y a plein de sons différents, il y a plein de thèmes différents. Et bon, continuons à le découvrir. Et la nouvelle qu'on m'annonce dans mon oreillette. Qu'est-ce qu'on t'annonce? On m'annonce que non seulement tu es entêté, mais Masca sur Skyrock est entêté aussi. Après la diffusion. C'est le Wati B qui est en train de maquer les tétés dans tous les sens. Ah, c'est comme ça. C'est le Wati B. Il manque plus que Black de Vinci sur Skyrock en tété. Black de Vinci. C'est possible, hein, c'est attention. Qui sait, allez-y. Black de Vinci. Allez-y. Et juste avant de se quitter, avant de dire un dernier au revoir à tout le monde, on va faire tourner la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre tes places de ciné Captain America. Salut Emily. Salut. De Brousswald, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Bienvenue Émilie, je te présente Black M qui est la Masca aussi. L'Institut avec Docteur Beriz qui est dans le coin à bout de Bang, l'Insolong, il y a DJ HQ. Et il y a toi aussi, ça va bien Émilie? Oui, et toi? Bah ouais, pas mal, tu fais quoi dans la vie? Je suis vendeuse. Vendeuse, d'accord, mais là, repos a priori à la maison, tranquille, posée? Oui, voilà, tranquille, posée devant la télé. Prête à faire tourner, c'est parti la roulette. Et ça va s'arrêter pour toi sur la case. Et ben voilà Emily. Captain America qui sort demain au ciné. Il y a non pas une ni deux, mais il y a carrément 5 places pour toi. D'accord, tu seras au cinéma Emily. On te fait un bisou. Merci, bisous. Petite dédicace à passer, petit message. Une dédicace à mon chéri et encore merci à toute l'équipe de Skyrock. Ça roule, ciao Emily, merci à vous tous. Ah, yeah, Fred. Soulever mon album là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, merci, merci de me voir. J'en profite, 31 mars dans les bacs. Voilà, 31 mars, merci en tout cas Black M pour cette soirée. Merci, merci à toi. Demain on remet ça, il paraît qu'il y a d'autres surprises. Demain il y a de grosses surprises. Demain, de toute façon, j'arrête pas avec les surprises. Jusqu'à la sortie, il va y avoir que des surprises. Demain, il faudra être là entre 20 et 21, à pas louper. 20, 21, même un petit là. Peu avant, parce qu'on débute avant, hein, Planète Rap, vous le savez maintenant, mais il faut être là et... Ouais. Et demain, une autre exclusivité encore. Oui. Oublie pas, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, tu précommandes et t'as un morceau en exclusivité. Est-ce qu'on peut dire le nom du morceau ou... le nom du morceau, on le dira demain, ça, tranquille. Demain. Tranquille. Donc, et n'oubliez pas, retrouvez-moi sur Twitter, bmesrim, @bmesrim, c'est Deven qui passe derrière moi. Non, mais et le Facebook, blackmesrim. Je vois que en tu as section d'assaut. Un excellent community manager. Ah non, mais lui, il joue pas, lui. C'est pour ça qu'il est avec nous. Il joue pas, lui. Le gars ne rigole pas. On se rappelle de tout ce qu'il faut se rappeler. En tout cas, le 31 mars dans les bacs. Bon, merci à vous tous. Demain, merci à toi, frère. Demain, et puis on rappelle, c'est vrai que c'est intéressant de le dire. Pour ceux qui précommandent l'album, vous avez plein de morceaux. Tous les jours, il y a un morceau nouveau qui arrive. Ouais. Donc, c'est une grosse opération, ça. C'est un truc, ça marche vraiment bien. Les gens, ils sont satisfaits. Tous ceux qui ont précommandé, ils sont satisfaits. Hier, donc, c'était sur ma route. Aujourd'hui, la légende Black qu'on a écouté à l'instant, que vous avez fait en live. Exact. Et demain, une autre dinguerie. Une et demain, autre dinguerie, je dis bien. Une autre crescendo. Surprise. Merci à vous tous. On va retrouver D-Fool qui doit être là, connecté. Connecté, oui. Connecté. Avec 31 mars, yes. N'oubliez pas le 31 mars. N'oubliez pas, D-Fool, n'oubliez pas, Marie, tout le monde. On n'oublie pas, t'inquiète. Je vais faire VRP pour toi un peu. Vas-y. 31 mars, à pas louper. Et demain soir dans Planète Rap, juste avant 20h, tu le disais, Fredo, c'est pour pouvoir en profiter encore plus longtemps. Bon, voilà. Soyez là juste avant 20h. C'est parti pour Planète Rap tous les soirs. Semaine Black M, la semaine qu'on attendait depuis longtemps. Yes. Ah oui, ça. Et maintenant qu'on y est, faut pas la louper. Faut pas louper. Ah, ça y est, intérêt. Et ben merci Black M. Tu salues tout le monde derrière. Il y a du monde dans Planète Rap. Ouais, il y a du monde. Il y a du monde. Il y a mon gars Masca qui est là, présent. Eh ben il est là le Masca. Ouais, coucou Masca. J'ai pas vu, mais il y a vu plein de monde en arrivant. Non, on a entendu, oui. On a écouté dans la voiture. On fait comme vous, on écoute Skyrock. Bah oui, évidemment. Et Planète Rap tous les soirs en arrivant. Bon, c'est parti pour la radio libre. Dans un instant, vous attend en direct 01 53 40 30 20. Vous nous appelez. Bonne soirée. Vous avez un truc à dire. Ciao, ciao. Salut Masca. Salut Black M. Salut Fredo. Eh ben moi, je vais aller vous écouter maintenant. Bah, voilà, c'est ça. Pareil. Chacun son tour. C'est bien. On est les plus fidèles à Skyrock. Voilà, exact. Essayez de nous battre, essayez de faire mieux que nous, là. Dans un instant, on arrive. On va parler police ce soir. On parlera de tout ce que vous voulez aussi. Sympa. Si, racontez-nous vos derniers problèmes avec la police que vous avez eu. Oh, sympa encore ça. Non, mais que ce soit des problèmes en voiture, des problèmes en scooter, des problèmes en vélo. Fredo, avec toi, avec ta mobylette. Non, mais moi, la dernière fois, ça m'a valu 12 heures de garde à vue, donc. Bon, mais enfin, en même temps, vous avez fait une belle. Oui, bon, c'est bon, c'est bon. Passons. Tu peux le raconter, Fredo. Témoignage, ouais, Fredo. On la racontera plus tard. Ouais. Vas-y, on va en parler dans un instant, Radio Libre. Et ben, vous m'appelez. Non, mais c'est très drôle, cela dit. Tu nous raconteras, Marie. Bien sûr que oui. Non, mais si Fred me donne l'autorisation. Bah Marie, toutes les connaissances. Oui, je suis Fred de Planète Rap. Toutes les discussions d'alcooliques, elle les connaît pas. C'est clair. Je donne l'autorisation. Bon, je raconterai peut-être alors quand Fred sera parti, qu'on ne voudra pas. Ciao. Et bien, tout de suite. Ciao. Salut tout le monde, ciao. Et Radio Libre vous attend en direct, c'est parti.